ta vie n'est pas facile. Comme une lame sur un fil, mais Olga, il n'est pas trop tard. Tu n'es jamais tranquille quand tu restes immobile, mais Olga, attends demain soir. Olga, Olga, Olga, Olga, tu n'es jamais docile quand tes pensées défilent, mais Olga, prends-en juste un. Jusqu'à la fin, fin t'es la destinée. Olga, Olga, Olga, la vie n'est rien, rien qu'un vide à combler. Jusqu'à la fin.